les sens, dans tous les sens interdits, j'entends tout ce qu'il faut, les vrais, les faux et les non-dits. Je suis une fille et je plante mes talons aiguilles en plein dans ton mille. Écho, tu bondis comme un genre bandit d'amour, d'amour rien qu'une romantique. Je suis une fille et je plante mes talons aiguilles en plein dans ton mille. Si tu te défiles, Sanson, tes mots s'entretuent, et même si dans toutes mes pensées tu m'assassines en silence, assez de si je te poursuivrai.